Ça fait combien de temps maintenant? Les dégradés de Caril Ferret. Allez. C'est pas la peine de pousser. La queue est la même pour tout le monde. Tout à fait, pour tout le monde. Oui, parfaitement. Ça fait 3 heures que j'attends les restes devant le rayon boucherie. C'est pas de ma faute, ils n'arrivent pas. C'est les restes de quoi aujourd'hui? Ah, ça, on ne sait jamais. Il est interdit de dormir dans les allées de l'hypermarché, sous peine d'une amende pouvant aller de 10 à 1000 grammes. Il crée la pénurie pour faire monter les prix. Je les connais. La pénurie de restes, il fallait y penser. Voilà, très bien, bravo. Faire les courses et surtout faire la queue parmi tous ces gens. Ils pourraient mettre des chaussures tout de même. Oui, madame. Bande de va-nu-pieds, va. On fait avec ce qu'on a, madame. Si c'est pour entendre des lieux comme un pareil, autant rester chez soi. Sans compter que j'ai plus un sou vaillant en poche. Franchement, je sais pas comment je vais faire. Nestor, c'est ça votre petit nom? Oui, madame. Vous étiez quoi déjà avant vous? Ouvrier, madame, entre autres. Vous voulez dire prolétaire? Oui, madame. Ah, et c'était comment? C'est vieux, madame. Tant mieux. Ça vous fera toujours ça de moi à vous rappeler. Sans doute, madame. Bon, ça va, ça va maintenant, oui. On peut passer aussi. Et vous faites quoi autrement dans la vie, Nestor, à part porter des courses dans les supermarchés? Rien, madame. Je suis chômeur à durée indéterminée. C'est original. Tout le monde est plus ou moins chômeur indéterminé. Regardez-moi. J'ai perdu mon travail lors de la crise des superprimes. Ça ne m'empêche pas d'être déterminé. Il est interdit de dormir dans les allées de l'hypermarché sous peine d'une amende pouvant aller de 10 à 1000 grolards. Comme si les gens allaient s'endormir au beau milieu de la queue alors qu'ils attendent les restes depuis des heures. Hé, on n'est pas des mouches tsetse. Vous êtes déjà allé quelque part, Nestor? Je veux dire, à part dans les hypermarchés pour porter les courses des honnêtes gens, vous êtes déjà parti avec quelqu'un où tu voudras, quand tu voudras? Je suis seul, madame. Je le vois bien que vous êtes tout seul. Autrement, vous n'en seriez pas traîné sur les parkings des supermarchés pour aider les honnêtes gens à faire leurs courses. Il n'y a pas de sous-métier, madame. Non, il n'y a que des sots. Qu'est-ce qu'ils font avec cette queue? Regardez-moi ça, on dirait des éléphants d'Afrique. Vous aimez ça, les éléphants d'Afrique? Oui, madame. Ce que vous êtes rasoir, Nestor. Mesdames, messieurs, excusez-moi, écoutez-moi. Ne vous laissez pas bercer par les écrans. Les écrans mentent. Ouais. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Enfin, ça avance un peu, cette fichue queue. Allez, voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Je crois qu'il y a un problème d'arrivage, madame. Le magasin informe son aimable clientèle que suite à la dernière dégradation XYY- et à un mouvement social sur la ligne 113 du réseau d'acheminement, les restes ne seront pas disponibles à la vente aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site de transformation du produit en tapant consommateur-qui-en-otage.ibet. La plateforme boucherie de notre magasin est désormais fermée au public. Veuillez vous excuser pour la gêne qualité. Il ne reste plus le reste. C'est un peu fort. Il reste les boîtes de conserve, madame. Il paraît que ça fait tomber les dents. Merci bien. C'est déjà tout ce qui me reste. Je veux dire les boîtes de conserve, pas les dents. Vous êtes drôle, madame. Voilà. Oui. Parlez pour vous. Si, parfaitement. On voit bien que ce n'est pas vous qui mangez des boîtes de conserve. Le magasin informe son aimable clientèle qui bouchonne à la plateforme boucherie de bien vouloir prendre la porte sous peine d'une amende allant de 10 à 1000 $. Fichons le camp avant qu'il nous dégrade ZZ-. Bien, madame. C'est vous, s'il vous plaît. Allez, enfin le parking. J'ai bien cru que j'allais me faire écrabouiller par la foule. On respire mieux à l'air libre. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que je rapporterai de la nourriture discount à la maison. Vous vous appelez comment déjà ? Nestor. Eh bien, mon cher Nestor, je suis désolée de vous dire ça, mais vous n'avez pas de course à porter. Vous savez ce que ça veut dire ? Oui, madame. Eh bien, dites-le. Vous n'allez pas pouvoir me payer pour mon service, même un petit peu. Voilà. J'aime mieux ça. Bon, il est l'heure de se quitter, Nestor machin chose. Bon courage, mon vieux. Et qui sait, peut-être que je vous reprendrai un jour parmi ces gens qui proposent un service. Merci, madame. Désolée, hein. Mais il faut me comprendre, déjà que je suis seule, si en plus il fallait s'occuper des assistés. Oui, madame. Alors, adieu. Adieu. Tout devrait être simple. Une femme rêve d'un homme, allongé sur le lit d'une chambre d'été. La fenêtre est ouverte. Dehors, les arbres agitent à peine leurs branches, qu'elle regarde d'un air absent. En fait, elle ne rêve pas d'un homme. Elle rêve d'un amour qui naîtrait là, sous ses yeux. Imaginez. Elle rêve de former un couple, une nouvelle équipe, souple et solidaire. Elle a envie de rire avec lui. Elle en éprouve presque la sensation. Une joie révolutionnaire, car elle sait la puissance du sentiment. Elle l'a déjà vécu. Elle sait que les problèmes de la vie s'escamotent, comme par magie. C'est bien la preuve que rien d'autre ne compte. Elle rêve d'un amour pour lui donner le meilleur d'elle-même. Son âme, d'abord, une fois qu'elle sera séduite, puis son corps, s'ils sont raccords. Puis elle marchera avec lui, accrochée à son bras dans une rue de Paris ou d'ailleurs. Ce sera comme si la vie recommençait. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Barbara rentra chez elle après avoir congédié son porteur sur le parking de l'hypermarché Discount et s'effondra sur le matelas miteux de sa chambre. Je n'étais pas si méchante avant. Non. Je n'ai jamais arraché les pieds de mes poupées, ni collé du chewing-gum dans les cheveux de mes grands-mères. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Quelque chose de très important. J'ai eu l'impression de devenir folle. Barbara vivait seule. Pour l'amour, c'était 6000 grelards, une fortune. 2000 pour une relation platonique, mais c'était déjà trop pour Barbara. Pour 100, on avait un chien, un animal de compagnie. Il faut faire des choix dans la vie. Barbara avait choisi ce qu'on lui proposait à ce tarif. Un bâtard obéissant, nommé Maudit. Elle l'aimait. C'était son chien. Mais au fait, où est-il ? Qui ça ? Eh bien, mon chien. Maudit ? Maudit ? Non. Non, je ne l'ai pas vu en rentrant à la maison. Non, je ne l'ai pas emmené avec moi au supermarché Discount. Il n'est plus tout neuf, mais je l'aurais remarqué quand même. Ah oui, le plus simple serait que je cherche. Maudit. Maudit. Maudit, où es-tu ? Barbara chercha son chien dans son appartement, mais il n'était pas grand. S'il n'était pas dans le placard, il n'était nulle part. Il n'est nulle part ? Maudit, où es-tu ? Barbara chercha son chien partout, en vain. Son appartement appartenait à un fonds de pension alimentaire, Maudit. Cela même qui leur revendait les restes au rayon boucherie. Elle ne possédait que le droit d'y loger, Maudit. Avec le supplément toutou pour Maudit. Mais son bâtard n'était pas là. Barbara inspecta Maudit. Le palier de l'immeuble, les étages, Maudit. Les toits même. Puis elle arpenta la rue devant son domicile, puis la rue d'à côté, où il ne passait plus grand monde faute d'activité. Elle chercha partout dans le quartier, en Maudit. Vain. Son chien avait disparu. La jeune femme retourna chez elle, dépitée. Déjà que je suis seule, que vais-je devenir sans mon espèce de compagnon ? Je n'ai pas les moyens d'en prendre un autre, même pas en leasing. On frappait à la porte. Personne ne frappait jamais à sa porte. Elle ouvrit. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est encore moi, Nestor. Vous savez, un de ces hommes qui vivent sur les parkings des hypermarchés Discount, en attendant de rendre des services aux gens. Oui, c'est bon, Nestor, je vous ai reconnu. Abrégé. J'ai trouvé ça sur le parking tout à l'heure. Et une fois que les enseignes ont fermé leurs portes, je l'ai mis dans ce sac plastique, c'est tout ce que j'avais. Mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Maudit ? Maudit, ça ne va pas. Maudit, réponds-moi. Je crains qu'il ne vous réponde pas, madame. Maudit, Maudit, tu as mal. Dis donc, tu es tout sec. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Monstre ! Je n'y suis pour rien, madame. Je l'ai trouvé dans cet état, aux abords du parking. Vous êtes sûr ? Je traînais du côté des poubelles quand je l'ai vu qui gisait sur le flanc. À mon avis, votre chien a rampé jusqu'à l'hypermarché avant de s'écrouler, épuisé. Je pense que votre chien crève de faim, madame. De faim ? Mais bien sûr, le pauvre meurt de faim. Mon Dieu, il faut faire quelque chose, lancer un appel au secours. Vous connaissez une ONG ? Pas personnellement. Un vétérinaire ? Désolé. Un vétérinaire qui aurait de la nourriture sur lui ? Personne, je ne connais personne, madame. C'est terrible. Comment vais-je faire pour nourrir mon chien ? J'ai à peine de quoi tenir deux jours avec ces maudites conserves. Je ne sais pas, madame. Sans compter que les chiens ne mangent pas d'épinards, c'est déjà assez mauvais comme ça. Je suis bien d'accord avec vous, madame. Pauvre Maudit. Je ne vous fais pas entrer, Nestor, c'est le bazar chez moi. Et votre costume va très bien avec le paillasson. Merci, madame. Ça ne me dit pas comment je vais sauver mon chien de la famine. Bon, je ne vois plus qu'une solution. La banque. Oui. Oui, je vais aller dès demain à la banque. Ne t'en fais pas, Maudit. Je vais te sortir de là. De rien, madame. Les temps n'étaient pas durs. Ils étaient mous. Des espaces publics consensuels, l'atmosphère des administrations calquée sur celle des aéroports. On vivait des temps mous. Mais pour le reste... Votre banque vous propose une toute nouvelle sélection de crédits à la consommation. Renseignez-vous auprès de nos agents spécialisés. Ça fout chier, mais... Alors, attends. 32... Bonjour, monsieur Standard. Hein? Je dis bonjour, monsieur Standard. Standard rentre pour, mademoiselle. Je ne suis pas seul à barboter dans le grand bain. Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai rendez-vous. C'est bien vous, le chef d'agence. J'ai frappé à la porte, mais ça ne... Bon, si vous avez demandé un rendez-vous, c'est que vous avez quelque chose à dire à votre banque préférée. Je me trompe ? C'est que... Allez, ne faites pas la mijaurée. À Standard rentre pour, on est là pour financer vos rêves les plus tarés. Vous êtes cliente de la banque ? Oui, monsieur Standard. À la bonne heure. Je ne me souviens pas de vous. Mais allez-y, jetez votre banco sur la table. Eh bien voilà, je voudrais contracter un crédit. C'est pour mon chien Maudit. Mon salaire a baissé et le pauvre n'a plus de croquettes. Des croquettes pour votre chien ? toute requête. Oui, Maudit. Médor en américain. Enfin, je crois. Au début, je voulais l'appeler Bill, le diminutif de William, comme William Clinton, l'ancien président des États. Vous connaissez ? Bon, vous voyez bien que tout le monde ici est occupé à des choses très importantes. Venons-en au fait. Eh bien, je venais vous voir au sujet de mon chien Maudit. On l'a trouvé hier sur le parking du supermarché. Ça n'allait pas fort. Vous auriez vu ça, le pauvre. C'était tout chose. On dit qu'il a rampé jusqu'à l'hyper tellement il avait faim. Bref, il me faudrait un crédit pour acheter à manger à mon chien. Et je n'ai plus d'argent. Oula, je vous arrête tout de suite. Si vous n'avez plus d'argent, comment vous allez nous rembourser ? Il est interdit d'implorer le personnel de la banque. Toute requête jugée. Vous êtes une banque, non ? Sera immédiatement. Ici, on est plus standard que pauvre. Si vous voyez ce que je veux dire. Non. Vous voulez des croquettes ? Ça va vous coûter bonbon. Comme j'imagine que vous n'avez rien, vous allez vous endetter. Et après, qui va payer la note ? Ben, votre salaire a baissé, m'avez-vous dit ? Oui, j'avais le SMIC au départ. Ça allait encore, puis c'est devenu le SMAC. C'était plus glamour, il paraît. Ça payait moins, mais on devait déjà être content, vu le salaire des autres. Et puis, comme vous savez, on a perdu notre A. J'ai donc touché le SMAC. Pas facile à prononcer. Écoutez, comme... vos histoires de SMAC ne m'intéressent pas. Un crédit, oui, c'est très simple. Un gros lard vous en coûtera 5, 10, 32, 1000 la culotte. Ne vous plaignez pas, normalement, on n'a rien avec rien. C'est votre cas, non ? Ce n'est pas parce que je n'ai rien que je ne peux pas obtenir quelque chose. Ça s'appelle de la spéculation, madame. On joue 1000 fois la somme qu'on n'a pas et on attend de voir ce qu'on ramasse. Si ça marche, c'est dans nos poches. Si ça ne marche pas, c'est vous qui payez les pots cassés. Il m'avait bien semblé aussi que ça se passait comme ça. Et vous êtes spéculatrice, peut-être ? Madame se prend pour une lumière, c'est ça ? Pas du tout. Madame croit, parce qu'elle met les pieds dans une banque, qu'elle va se mettre à spéculer comme les grands. Oh, oh, elle est bien bonne, celle-là. Si tout le monde qui n'y connaît rien faisait comme vous, comment nous, les initiés, les experts, on ferait pour diriger le monde de la seule manière qui aille ? Hein ? Vous oubliez, monsieur Standard, que Maudit est en train de décéder. Le pauvre a tellement faim qu'il a commencé à manger ses croûtes. Ah, arrêtez de me parler de votre chien, vous allez me foutre des poils partout. C'est une banque ici, pas un chenil. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être considéré comme des chiens. J'ai fait partie de la classe moyenne, moi, monsieur. Avant d'être pauvre, indigente, miséreuse, minable. Un peu. Que voulez-vous que je vous dise ? Si vous avez été assez bête pour acheter n'importe quoi, quand on n'a pas les moyens, on est sous la moyenne, c'est-à-dire faible. C'est la loi du marché, et ce n'est pas moi qui l'ai faite. Moi non plus, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Je n'ai même pas fait d'enfant. Rapport à l'avenir. Bien fait. De toute façon, c'est nul, les gosses des autres. Ça broye tout le temps, ça chie partout. Vous exagérez, monsieur Standard. J'aurais bien aimé avoir un enfant plutôt qu'un chien. Remarquez, si c'est pour le retrouver tout sec sur le parking d'un supermarché... Ah, vous voyez ? Et puis, ne vous plaignez pas trop, madame tout le monde. On vous a plumé comme des dindons, mais on vous a laissé les divertissements. Des chansons publicitaires à longueur de journée ? Avec obligation de les écouter sous peine de se prendre une amende ? Vous appelez ça des divertissements ? L'industrie de la culture. J'en connais qui se sont achetés des pays d'Afrique avec ça. Quand même pas. Bon, vous voulez qu'on parle sérieusement ? Je suis désespérée. Mon chien a tellement faim qu'il en a le canigou tout renversé. Vous croyez que j'ai le cœur à rigoler ? Dites donc, les vacances au ski à Noël, l'apéro au camping avec tous ces cons, vous en êtes quand même payé une sacrée tranche. Fallait bien se reposer de temps en temps. Pendant qu'une poignée trime nuit et jour pour ramasser le fric. Vous êtes quand même gonflé. Mais on n'a même plus de... Bon, écoutez, madame, vous n'avez pas la gagne en vous, ni un radis en poche. Je vois mal comment je pourrais vous prêter de l'argent, même à un taux exorbitant. Et mon chien qui meurt de la famine... Mais il faut bien mourir d'un truc. D'accord, mais pas tout seul. Pensez à mon chien Maudit qui m'attend à la maison, le cœur plein d'espoir. On n'est pas à la SPA ici. Maintenant, débarrassez le plancher, voulez-vous, j'ai du travail, moi. 28, votre banque vous propose une toute nouvelle sélection de crédits à la consommation. 27, vous ne voulez pas me donner un crédit ? Vous n'êtes plus crédible. C'est clair, Miss Populace ? Allez, au revoir. Et mes amitiés à votre paillasse. 28, 42... Monstre froid à la glace, 60. Dégueulasse. Vous savez qu'on fond à vue d'œil, comme des icebergs qui se détachent des ours blancs, et vous laissez faire. C'est ce qu'on a appris à l'école. Maintenant, vous allez me dire que vous en savez plus long qu'un professeur d'université internationale. Allez-y, oser. Tel que je vous vois accoutré, allez, je vous mets dans les 30 ans, qui en paraissent 40. Sans emploi, évidemment. Vivant des mini-minima sociaux sans lever le petit doigt. Toute la journée, même le week-end, bradant son cul de temps en temps pour se payer des glaces et des tours de manège dans les foires vulgaires que vous affectionnez si particulièrement, vous et vos voisins, toujours chez eux en survêtement. Hein ? Avouez que je ne me trompe pas de beaucoup. Un jour, vos têtes au bout d'un pic, Monsieur Standard. Adieu. Il faisait un temps de chien dehors. C'est ce que se dit Barbara en sortant de la banque. Elle s'assit sur une bouche à incendie et prit sa tête dans ses mains. C'était foutu, maudit. Les croquettes, tout ce qu'on lui avait dit de croire parce que c'était comme ça. Tout se dégradait autour d'elle. Les gens, les choses, même sa pauvre tête. J'ai des ailes pour aimer, mais ils ne nous aiment pas. Trop nombreux, on est au fond. Un côté commun qui doit les agacer. Je ne sais pas. Hier, mon voisin est mort. C'est le 6e dans l'immeuble. Un étranger, ça fait moins mal. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Il paraît de toute façon qu'on ne peut rien faire. Que ce serait pire. Crise systémique, faut croire. Mais je ne crois plus beaucoup. C'est fatigant à la longue. Fatalement, j'ai la structure bancale, les yeux loin des trous, comme qui dirait les nerfs à vif. Un avis de cyclone sur un corps maladif. On me dira, sentir le vent dans ses cheveux, c'est encore le sentir. Le sentir encore. Des fois, j'ai des envies. Pas que tout redevienne comme avant, non. C'est juste que le présent se déboîte. Le ministère du délogement a dit qu'il faudrait penser à balayer les rues par rapport à la saleté. Ils ont dit ça à la télé. Depuis, les gens se cachent. Enfin, j'en connais. Je dis ça, je connais plus grand monde. Je dois manquer à personne. J'ai des ailes pour marcher, mais elles ne marchent pas. Les loups aussi se sont tus. Mais des fois, j'ai des envies. Des envies. Vous pleurez ? Qui êtes-vous ? N'ayez pas peur. C'est moi, Nestor. Qui ça ? Nestor. L'homme qui devait vous aider à porter vos courses sans savoir que c'était la pénurie. Ah, oui. Nestor. Hier. Vous ne vous souvenez pas ? C'est moi qui vous ai ramené votre chien, celui qui agonisait sur le parking. Maudit. Vous m'avez renvoyé comme une vieille chaussette, sans un mot de remerciement. Vous sentiez mauvais, Nestor. J'ai réussi à trouver une douche pas trop chère ce matin. Santé. Je crois que je deviens folle. Venez. Il y a un parc tout près, nous serons mieux. Je vais vous aider. Je ne me sens pas très bien. Asseyez-vous sur ce banc. Il vous ira ravir. C'est combien ? L'ombre est gratuite, je crois. Allez-y, je vous dis. C'est vrai qu'on est bien assis sur un banc public. Je viens là parfois après mon travail de porteur sur le parking ou même quand je m'ennuie. Vous avez remarqué ? C'est plus calme que partout ailleurs. Vous voulez dire que dans les endroits qui nous sont réservés ? Bien sûr. C'est drôle. Il y a une époque où on nous disait qu'il fallait bouger, que c'était moderne. Mais c'est les usines qui ont bougé, qui se sont exportées avec le savoir-faire. Et nous, on est restés là. Vous avez déjà songé à quitter la ville ? Je veux dire, en vrai. Moi ? Vous vous appelez comment déjà ? Nestor. Mais ce n'est pas mon vrai nom. Alors, vous avez déjà songé à quitter la ville ? Non. Enfin, vous savez comme moi que les bords de mer sont inaccessibles pour des gens comme nous. Le bord de mer, c'est coté A, A, A++. N'empêche, J'aimerais bien mettre les pieds quelque part avec le sable de mer sous la plante. Il paraît que c'est doux, un peu comme de la boue. Qui vous a raconté ça? J'ai lu ça dans un livre sérieux. Les gens allaient à la mer comme on prend un bain, sauf que ça bouge plus. Vous avez déjà vu des reportages aquatiques, j'imagine? J'adore ça. On comprend que ce soit si cher. Oui, le bord de mer, c'est devenu inabordable. Pourtant, il y a longtemps, ma famille avait une maison sur la côte. Si, si, en Bretagne. Vous connaissez les bords de mer? Si c'était le cas, je ne serais pas là à me lamenter sur un banc public au milieu d'une ville dont la pollution a été évaluée à WXX-. Il est rappelé à notre aimable clientèle que le son du parc Saint-Honoré s'éteindra dans 30 secondes. Si vous voulez continuer à bénéficier de tous les avantages de notre espace vert, veuillez introduire votre carte bancaire ou de l'argent liquide dans la fente prévue à cet effet. Zut! Vous avez de l'argent, Nestor? Ma foi, pas un centime depuis au moins 3 jours. Tant pis. À moins de trouver un gogo qui pourrait payer pour tout le monde, nous sommes bons pour les bruits de la ville. Il est rappelé à notre aimable clientèle que le son du parc va fermer dans 10 secondes. 9, 8... Oh, ils sont agaçants avec leur compte à rebours. Comme 6, si on ne savait pas compter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, toujours aussi poétique. Si les oiseaux entendaient ça. Ah, tous des grades. Autour de nous, tous des grades, mais ça fait du bien de rire. C'est vrai que ce n'est pas encore noté, rapport au déficit. Vous allez voir qu'ils vont nous l'évaluer lui aussi. Le rire, ce n'est que du bénéfice, le seul remède contre la dépression, pas vrai? Tout à coup, je me sens mieux. Et c'est grâce à vous, Nestor. Tiens, vous vous souvenez de mon prénom? Excusez-moi. Parfois, je suis méchante, sans le savoir. Il faut bien se venger sur quelqu'un. Vous êtes philosophe, vous? Juste une façon de résister aux chiffres. Modestement, je m'entends. Qui aujourd'hui s'intéresse à la philosophie? Vous, Nestor. C'est déjà pas si mal sur un total de je ne sais plus combien de milliards. À ton résultat, oui, on, zéro. Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas des nombres, nous sommes nombreux. Tous ensemble, oui, oui. Tous ensemble. Je sens que les ennuis ne vont pas tarder. Tous ensemble, avançons tous ensemble. Nous ne sommes pas des numéros punaisés sur des murs. Nous ne sommes pas des matricules. Nous ne sommes pas On demande la sécurité d'urgence. Parc Saint-Honoré, jardin numéro 4. Ne vous laissez pas numériser, les déficits sont nos intérêts. Sécurité d'urgence au parc Saint-Honoré, sécurité d'urgence. Est inestimable, cet endroit inaliénable, inaliénable, inaliénable. Arrêtez, vous m'étranglez. Ils ne font jamais long feu, ces syndicalistes. C'est leur côté 20e siècle. Bon. C'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je rentre. Mon chien m'attend et il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle. Mes condoléances. Merci. Bon. Je vous dis au revoir. Je m'appelle Barbara. C'est joli. Alors au revoir, Barbara. Devrait être simple. Un homme rêve d'une femme, allongée sur la terrasse de son appartement, les bras repliés derrière la tête et que le ciel regarde. Il vient de la rencontrer. Un rendez-vous de travail à la table d'un bistrot qui lentement prend un tour stupéfiant. Il n'entend plus ce qu'elle dit. Il ne voit que sa bouche. Il rêve. S'imagine petite bête tendre sur ses lèvres. Il décroche. Il devient le pompon du manège. 5 ans d'âge mental. Elle parle avec aisance à un demeuré. Il tente de reprendre le fil, la toile vif argent tissée pour lui, elle ne le sait pas. Il rêve encore, elle est l'esprit et l'élégance, le vernis orange de ses orteils, sa peau, les petites bulles vertes qui s'échappent de ses yeux, ses mots gambadants, il aime tout. Elle et lui, ça fera des étincelles, c'est sûr. Il perd la boule et se dit qu'il l'appellera demain. Il lui dira qu'il est la même face de sa pièce, qu'il créera un théâtre pour elle où ils joueront tous les personnages, les maris, les femmes, les amants, les amis qui passent en semaine à la maison, le gardien du temple, les figures tutélaires, les lâches dans les alcôves, les enfants si elle veut, pour les mots de l'amour, les silences, il est son homme. Sensible, elle dira oui. Alors ils s'embrasseront une première fois, puis une deuxième fois, et ce sera comme si la vie recommençait. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Nestor rentra chez lui, une simple tente à l'abri d'un ancien abribus de bus qui ne passait plus jamais. Il pensait à Barbara. Elle était un peu siphonnée, la pauvre, mais c'était le prix de la chute. Pour lui, c'était différent. Il venait du peuple depuis des générations. Des gens ordinaires aux vies somme toute ordinaires. C'est pour les autres, la majorité finalement, que la chute avait été la plus dure. Il faut que je trouve un moyen de la revoir, n'importe lequel, avant qu'il ne soit trop tard. Bonsoir. À la une de ce journal, les chiffres du chômage de masse qui battent des records à la bourse de New York, Londres et Paris. Tokyo et Singapour sont un peu à la traîne mais maintiennent des niveaux élevés. Shanghai se réveille à peine. L'analyse du phénomène avec notre envoyé spécial un peu partout, Mathias Valbueno. Oui, Léa, on peut dire qu'ici à la bourse de New York, où je me trouve actuellement en simultané avec Londres et Paris, c'est un peu l'euphorie. Ça vend, tout va, ça achète, les algorithmes s'affolent et les bénéfices s'envolent après les derniers résultats désastreux. Oui, alors, Mathias, comment expliquer la relative faiblesse de Singapour et Tokyo, sans parler du recul de Shanghai? Eh bien, tout simplement en raison du décalage horaire, ma chère Léa. Les chiffres du chômage de masse sont tombés à midi, au milieu du planisphère, c'est-à-dire entre Paris et Londres. New York a aussitôt fait son retour, car comme vous le savez, ce sont les number ones. Mais les bourses asiatiques, en particulier Shanghai, qui est la plus éloignée, a dû attendre que l'onde de choc parvienne jusqu'à elle pour vendre et acheter. Mais la situation devrait se rétablir sous peu, le temps de réaction étant, comme on sait, l'indice de performance majeur. Est-ce à dire que le chômage de masse a la cote? Tout à fait, Léa, les bourses se l'arrachent comme des dents, si vous me passez l'expression. Merci Mathias pour ces explications et ces précisions. Retrouvez les analyses économiques de Mathias Valbueno sur mathiasvalbueno.fr. Et maintenant, le deuxième sujet qui nous intéresse, les chiffres du cholestérol. Ah non! Ils se moquent de nous! Tu ne crois pas, Maudit? Maudit? Maudit, tu ne m'entends plus? Mon toutou? Oh! Tu vas m'entendre, oui? Mais le chien fidèle ne répondait pas. Il était tout sec, comme empaillé. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas seule. Je t'en prie, Maudit. C'était trop tard. Barbara avait dû se rendre à l'évidence. Son compagnon était mort. Mort depuis déjà un certain temps. Maudit. Il n'avait pas coûté cher, c'est vrai, mais Barbara ne mesurait pas son amour au prix qu'il coûtait. Elle prit la pauvre bête dans ses bras et se mit à pleurer. Il l'avait dit au journal du soir. Avec le chômage de masse qui s'envolait à la bourse, ce n'était pas demain qu'elle se paierait un nouveau chien, même un vieux caniche. Elle resta deux jours et deux nuits à veiller son compagnon, sans manger ni boire, comme un signe de solidarité dérisoire. Un temps long. Quand tout fut fini, le chagrin inconsolable et les larmes, elle entoura le corps de Maudit dans des bandelettes trouvées dans la salle de bain, de petites bandelettes blanches à liseré de piqûres bleues, qui le recouvrirent bientôt en entier. Il n'y avait plus que sa tête poilue qui dépassait du sarcophage. Une momie de chien. Je ne vais pas te laisser comme ça, mon vieux. Ne t'en fais pas. Les consignes pour se débarrasser de son animal de compagnie étaient claires. Poubelle bleue, avec les déchets organiques, pour le tri sélectif et un monde plus écologique. Barbara ne put se résigner. Elle le tenait dans ses bras. Non. Non, je ne vais pas te jeter comme ça. C'est au-dessus de mes forces. Mais avant, j'ai deux mots à dire à quelqu'un. Barbara était sévèrement remontée, son chien en bandoulière, arpentant la rue vide d'un pas résolu, songeant à Monsieur Standard, ce monstre froid à la chair dégueulasse qu'il avait laissé crever de faim. Mais voilà, c'était ça qui clochait. Il était 11h du matin et les rues étaient vides. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais personne ne répondit. Les rares passants qu'elle apercevait de l'autre côté de l'avenue semblaient se fuir les uns les autres, la tête enfoncée dans des manteaux pas nets, comme s'ils avaient quelque chose à se reprocher. C'était le cas. Et si vous achetiez au bord de la mer, investissez dans l'immobilier de luxe et bénéficiez de réductions Allô. Sur tout le réseau hybride. Oui, Vendée. Allô. Allô, Lausanne. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, bon, allez, vendez. Oui, je vous dis de vendre tout. Oui, tout, tout, Monsieur tout. Monsieur Standard. Allô, allô. Monsieur Standard. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez bien que je suis occupé, là. Nous nous sommes vus la semaine dernière, Monsieur Standard. Ah, c'est vous. Madame, comment déjà? Vous avez vu dehors? Il n'y a presque plus personne. Dans les rues. Que des gens bizarres qui fuient quand on s'approche. Vous avez vu? Bah, évidemment, je suis pas aveugle. Ils sont où, les autres? Qui ça? Les autres gens. Les chômeurs de masse? Vous débarquez ou quoi? Ça fait 2 jours qu'on nous sorine avec ça. Ils ont été remis au travail. Oui? Oui? Ils ont été regradés par les agences après l'annonce transactionnelle ministérielle et délocalisés par bateau entier aux 4 coins du globe. Un travail de masse. C'était ça l'idée géniale. Je m'en veux presque de ne pas y avoir pensé plus tôt. Ah! C'est que je n'avais pas le cash flow assez solide. Le renversement de la gradation du chômage de masse en un travail de masse à l'autre bout de la terre pour une poignée de cacahuètes. Fallait être malin pour y penser. Ça me fout les nerfs en porcelaine, ce que vous me dites. C'est pourtant la vérité nue. Et si vous achetiez au bord de la mer... Mais pas. D'où vous sortez? Mais comment se fait-il que vous ayez échappé au travail obligatoire? Comment se fait-il que vous soyez là, dans mon open space privé? Si je me souviens bien, vous n'aviez pas d'argent quand vous êtes venu me demander un prêt. Évidemment. Autrement, je ne serais pas venu. Vous avouez, en plus. Alors? Comment se fait-il qu'une chômeuse de masse comme vous ne soit pas actuellement sur un bateau, voguant à pleine vapeur vers le soleil? J'ai veillé maudit, mon chien. Oui. Quoi, toujours cette histoire de clébard? Maudit n'est pas un clébard, comme vous dites, mais un chien. Oh! Mon animal de compagnie. Regardez dans quel état il est maintenant que vous avez refusé un prêt pour ses croquettes. Qu'est-ce que c'est que cette momie poilue? Je l'ai entouré de bandelettes. C'est plus joli, non? Hein? Oh, Burke! Vous ne diriez pas ça s'il était encore vivant? Seulement, vous l'avez laissé mourir de faim. Alors que Maudit était la seule chose qui comptait dans ma vie. Ah oui? Pourquoi ce chien n'a pas été jeté aux ordures ménagères? Vous connaissez la réglementation, non? Je la trouve inhumaine, voilà. Ah, évidemment, puisqu'elle s'applique aux animaux. L'amitié, ça vous dit quelque chose? Vaguement. L'amour asexué entre 2 êtres vivants. Encore heureux? Le contraire serait franchement répugnant. C'est vous qui êtes répugnant, Monsieur Standard. Vous. Et vos réglementations. Voilà ce que j'avais à vous dire. La belle affaire. Vous préférez peut-être que je vous signale comme détentrice d'une charogne pouvant infester la population? Pour ce qu'il en reste... Bah, il reste les mieux notés. Et croyez-moi, on a la pression. Allez, maintenant, disparaissez. Monsieur Standard. Oui. Je peux vous poser une question avant de disparaître? Bien sûr. Je ne suis pas un nazi. Pourquoi vous faites des choses comme ça? J'en sais rien, moi. Il n'y a pas d'alternative, c'est tout. Maintenant, disparaissez de ma vue, vous et votre momie de chien, là, avant que j'appelle la sécurité. Ils auront vite fait de vous envoyer par bateau aux 4 coins du globe. Et au fer encore. C'était la musique qu'on entendait sur les navires des chômeurs de masse partis travailler au soleil. Mais Barbara ne l'entendait pas. En veillant son chien 2 jours durant, elle avait bien involontairement contrevenu aux injonctions des agences et sauvé sa peau. Quant à celle de Maudit, qu'elle serrait sous ses bandelettes, caressant d'un air absent le sommet de son crâne. Qu'allait-elle faire maintenant qu'elle n'avait plus d'argent et que les gens comme elle étaient partis? Je vais trouver un endroit où tu reposeras en paix, Maudit. Une sépulture. C'est comme ça que l'humanité a commencé. En offrant une sépulture aux gens qu'ils aimaient. Seulement, même si c'était chacun pour soi depuis longtemps, ça faisait bizarre de ne plus voir les autres. que ces ombres furtives au coin des rues, tandis que par les avenues dégagées filaient les voitures hybrides aux vitres teintées. Mimétisme ou meilleure façon de ne pas éveiller les soupçons des caméras de surveillance? Barbara se mit à imiter ce qui restait, la mine basse, son châle sur la tête comme un voile enveloppant la dépouille de son seul ami. Que se passerait-il si on les arrêtait tous les deux? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Sans compter qu'elle ne savait pas où ni comment enterrer Maudit. Il n'y avait que du béton ici. Les cotations qui défilaient sur les affiches scintillantes des places privées, des véhicules hybrides dont on ne savait même pas s'il y avait un conducteur. Barbara n'avait pas son permis hybride. À peine celui d'être mal notée, dégradée. Elle longea les trottoirs de la ville en quête d'un lieu propice. Mais lequel ? Chaque jardin ou espace vert était sous contrôle d'une société de service qui repérerait vite l'égaré en train d'enterrer son animal domestique. L'amende serait coton, sans parler des ennuis avec la sécurité. Barbara passa le coin de la rue, le visage réfugié sous son châle qui l'empêchait de surveiller ses angles morts. C'est ce qu'il a perdu. Le plat pacifique, ma petite dame. Lâchez-moi, vous me faites mal. Ah, pas avant que vous m'ayez dit ce que vous faites là. Est-ce que vous cachez sous votre châle? Je n'ai pas à vous répondre, lâchez-moi. Oh, ou quoi? Vous appelez la sécurité? Vu votre look, vous devriez être en route pour le travail de masse. Et vous? Je suis médecin, moi, madame. Pas un chômeur de masse qui profite du pavé pour se la couler douce. Si vous êtes si malin, pourquoi n'êtes-vous pas au travail? Parce que les gens comme vous sont partis, évidemment. Comment voulez-vous que je soigne ceux qui ne sont plus là? À cause de vous, je n'ai plus de travail. Et vous allez me le payer. Allez, montrez-moi ce que vous cachez sous votre châle. Quand vu votre tête, ça doit valoir de l'argent. Laissez-moi tranquille. Le médecin ne vit pas l'homme qui s'était glissé dans son dos, une faucille à la main. Lâche-la, sale brute, ou je te fends le crâne. Nestor? Obéis. À quoi? On ne peut plus parler aux gens dans la rue? Si tu ne lâches pas son poignet dans 3 secondes, je te coupe la main d'abord et je t'étrangle avec ton stéthoscope ensuite. 1, 2... Ça va. Je m'en vais. C'est ça. Ah, tout de même, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, moi, alors. Casse-toi. Oh, Nestor, vous m'avez sauvé de ce charlatan. Je lui aurais bien mis un coup de faucille. Oh, Nestor, depuis l'accouchement de ma mère, c'est bien la première fois que quelqu'un fait quelque chose pour moi. C'est tout naturel. Mais ne restons pas là. L'homme qui vous a importuné risque de vous signaler à la sécurité pour empocher la récompense. Venez, je connais un endroit tranquille. Barbara n'avait pas la force de protester. Nestor prit sa main et, rasant les murs, la mena jusqu'à son campement. Installé dans le renfoncement d'un pont, le bivouac était invisible depuis les quais où passaient les voitures hybrides. Elle sort d'où cette faucille ? Mon père a vendu le marteau quand j'étais jeune pour me payer des études. Il aurait mieux fait de le garder, mais enfin, la faucille marche encore pas mal comme désherbant. Vous avez de la ressource, Nestor? Je suis toujours ému quand vous vous souvenez de mon prénom, Barbara. Comment se fait-il que vous ne soyez pas sur un bateau en route pour le soleil? L'euphorie des agences devant les derniers chiffres du chômage de masse m'a poussé à déserter. Depuis le temps que le vagabondage a été éradiqué des villes, j'ai pensé que personne n'aurait l'idée de chercher sous les ponts. Mais dites-moi plutôt, et vous alors? Oh, moi, j'ai veillé mon chien pendant 2 jours. Quand je suis sortie de chez moi pour l'enterrer, le gros des troupes avait déserté. Vous voulez enterrer votre chien? Oui. Je n'ai pas eu le cœur de le jeter dans la poubelle bleue malgré les mesures écologiques. C'est interdit, mais je vous comprends, Barbara. Si on ne respecte plus la mort de ceux qu'on aime, il n'y a plus qu'à mourir sans aimer. Et c'est tout ce qui me reste d'amour, ce pauvre chien. C'est curieux, ces bandelettes. C'est tout ce que j'avais sous la main pour le faire ressembler à une momie plutôt qu'à un chien. Je me disais que ça passerait plus inaperçu. Je crois que je peux vous aider, Barbara. À quoi ? À donner une sépulture digne à votre compagnon. Ah, vous... Vous feriez ça aussi pour moi? C'est que j'ai déjà réfléchi au problème et dans cette ville, c'est impossible de l'enterrer convenablement. Justement, Barbara. Il faut quitter la ville, trouver un endroit paisible pour votre chien. Oui, mais où? Eh bien, à la mer. À ces mots, les yeux de Barbara s'écarquillèrent. Quelle belle idée. La mer, elle ne l'avait jamais vue. Mais comment s'y rendre? Et passer les grilles des résidences du littoral? Il y a des gardiens privés partout? J'ai ma petite idée. Ils prirent le tramway jusqu'au quartier huppé de la ville, sur les hauteurs moins polluées, et descendirent à la nuit tombée devant le concessionnaire Hybridas, le leader des voitures hybrides sur le marché. Il n'y avait absolument personne le long de l'avenue. Ils contournèrent le bâtiment désert. Nestor posa son doigt sur la bouche de Barbara et força l'ouverture magnétique du concessionnaire grâce à ce qui ressemblait à une simple carte de crédit. C'est une carte antimagnétique que j'ai réussi à dupliquer à l'époque où j'étais gardien de nuit. Avec ça, on passe partout, presque. Barbara n'était pas au bout de ses surprises. Le magasin était rempli de modèles rutilants, tous plus sophistiqués les uns que les autres. Chaque voiture hybride avait bien entendu les vitres teintées, un guideur et une immatriculation réservée à l'avance pour les contrôles préliminaires de solvabilité. Nestor s'installa au volant d'un coupé blanc cassé, le plus proche de la sortie. Ne me dis pas que tu sais conduire ces engins-là. J'ai fait chauffeur de VMP aussi. C'est quoi ça, VMP? Very moyenne personne. Tu es prête? Allez, c'est parti. Ils quittèrent la ville par une voie unique, celle qui menait à la mer. Je n'ai jamais vu la mer. Tu l'as déjà dit, Barbara. Mais ça fait tellement plaisir à entendre. Les kilomètres défilèrent, magiques. Ils arpentaient maintenant les routes de campagne. Nestor brancha le pilote automatique. Bien sûr, Barbara se demandait comment ils arriveraient à passer les services de gardiennage qui interdiraient à coup sûr l'accès à la mer, dont les rivages surcotés les excluaient de facto. Là encore, Nestor avait de la ressource. Chaque modèle de véhicule ayant été enregistré auprès de son futur propriétaire, il suffisait d'entrer « home » sur le guideur pour que le pilote automatique vous amène tout droit à la maison. À supposer que le propriétaire en question ait une résidence sur la côte? Ce coupé doit valoir dans les 500 000 gros lards. À ce prix-là, ça m'étonnerait qu'on finisse au camping. Nestor avait raison. Après 2 heures de route sans croiser grand monde, ils atteignirent la côte. La nuit était tombée depuis longtemps. Guidés par le pilote automatique, ils se retrouvèrent bientôt devant la grille d'une propriété, cachée derrière de hautes haies grillagées. Barbara doutait encore de leur entreprise, mais les grilles s'ouvrirent à l'approche du véhicule, comme par miracle. Alibaba ! Ils parcoururent une centaine de mètres à travers un parc, avant de stopper au milieu de l'allée. On distinguait des lumières un peu plus loin, derrière les arbres, celles de la propriété privée. Mieux vaut abandonner la voiture ici avant qu'on nous repère. Son propriétaire la trouvera demain. Qu'est-ce que tu fais? J'écris un mot de félicitation de la part d'Hybridas. Le propriétaire du véhicule croira qu'on l'aura livré dans la nuit. Tu es sûr qu'il n'appellera pas plutôt la police? Bon, les gens qui vivent par ici se croient tellement importants qu'ils ne doutent plus de rien. Viens, la mer ne doit pas être loin. Son chien momie dans les bras, Barbara suivit Nestor sous les arbres du parc qui, de fait, s'étendaient jusqu'à la mer. Ils contournèrent l'imposante maison dont les lumières dessinaient des lucioles dans la nuit. L'air se fit plus frais à mesure qu'ils approchaient du rivage. Tu sens? Oui. On dirait l'océan. Viens. Ils avaient vu des images, bien sûr, des reportages sur les people qui se baignaient dans les vagues avec de jolies filles souriantes pour la photo, dans leur bikini de rien. Mais la réalité... Nestor, regarde! Regarde comme c'est beau. Oui, magnifique. Et la lune sur la crête des vagues, tu la vois? Je ne vois que toi. Barbara n'écoutait pas. Elle ôta ses chaussures et marcha pieds nus. Et tout ce sable, on va pouvoir enterrer Maudit n'importe où. Oh, tu as vu comme c'est doux sous la plante des pieds, comme dans nos rêves. Oui, Barbara. Oui. La lune brillait. Il se sentait libre. Comme toutes les premières fois, les faits étaient décuplés, comme des adolescents qu'au fond ils n'avaient jamais été. Barbara déposa son chien entouré de bandelettes sur un coin de sable frais, aida Nestor à creuser un trou profond et, satisfaite du résultat, nicha la bête dans son linceul salé. Une sépulture pour les morts, c'était son dernier désir. Enfin, ils ensevelirent Maudit et dirent quelques mots en guise d'épitaphe. Adieu, fidèle compagnon. Nous te rejoindrons bientôt. Oui, le plus tard possible. Tout devrait être simple. Deux êtres se rencontrent, ils s'aiment, se devinent comme s'ils se connaissaient déjà, leur cœur palpite. Ils sont dans l'espace, ils flottent, identifiés dans le cosmos, un trou noir d'amour fission où chaque atome meurt dans la soie. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ils s'assirent sur le sable et observèrent l'océan pourpre sous la lune, le balai incessant des bateaux qui passaient au loin, chargés de travailleurs délocalisés. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, l'effet de la brise marine, sans doute. Tu es doux comme garçon au fond, Nestor. Je ne m'appelle pas Nestor. C'était mon pseudo pour faire le domestique, mais c'est fini. Et tu t'appelles comment ? William. Bill en américain. Oh, c'est drôle. C'est le premier nom que je voulais donner à Maudit. C'est un signe, non ? Un bon signe pour nous deux. L'acier des navires luisait faiblement sous la lune. Ils s'embrassèrent. C'était le dernier. C'était le seul rêve. C'était Les Dégradés de Caryl Ferret. Avec Lara Brulle, Dominique Parent, Luce Mouchel, Patrice Bornan, Françoise Gaziot, François Hatt, Aurélie Miremont, Andréa Brusque, François Perrache, Philippe Ciboulet et Leslie Menahem. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier et Nicolas Slimani. Bruitage, Sophie Bissantz. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Jean-Mathieu Zande. Thank you.